question, c'est est-ce que BDM pour Bernard de Montréal est près de l'État christique? Bon. Je ne sais pas c'est qui a posé cette question-là. Chose qui est sûre, c'est que s'il y a du monde encore suffisamment sans dessin pour poser des questions absolument idiotes comme ça, il y a du monde qui suivent un paquet de conférenciers, du monde qui suivent... Bon, je ne dirais pas tout ce que ça me tente. Une chose qui est sûre, c'est quand on est rendu à poser des questions qui frôlent l'absurdité, qui sont complètement idiotes, qu'est-ce que ça peut bien vous faire, vous autres, de savoir si Mgr Schaffner, si Bernard de Montréal, si n'importe qui est rendu à un état quelconque? Savoir qu'une personne est rendue dans un état, ça va vous faire en sorte simplement que vous allez plus le croire. Mais si c'est pour donner des résultats comme ça, Bernard de Montréal, il est loin de l'état christique. Puis il est loin de tout ce que vous pouvez imaginer qui peut être proche. Fait que posez-vous donc la question en rapport avec vous autres-mêmes, pas en rapport avec moi, puis encore moins me demander à moi qu'est-ce que je pense d'un autre. C'est encore vivant, lui, ben allez donc lui demander, puis si vous recevez une chaudière de sa tête, ben vous n'aurez rien qu'à l'absorber. OK? C'est des questions idiotes, c'est des questions... Et on recommence. La volonté est fausse ou astrale lorsqu'elle s'appuie sur des expressions voilées, c'est-à-dire coloriées par des sentiments, des désirs. Elle devient réelle lorsqu'on le devient dans les vibrations de l'homme créative. Bon, ben c'est ça, il faut bien comprendre. C'est ce que, du moins, j'ai essayé d'expliquer aujourd'hui. C'est que la volonté n'est jamais fausse. La conception qu'on a d'une volonté, elle, peut être fausse. La seule chose qui peut être fausse. Pas la volonté. La volonté est fausse ou astrale. Ben alors, il y a une bonne différence entre une volonté astrale et une volonté fausse. De dire qu'une personne, elle est fausse parce qu'elle est petite, c'est la même chose que de dire qu'une volonté est fausse parce qu'elle est astrale. Alors ça, c'est pas de l'eau parce que c'est liquide. Ou encore, c'est pas de l'eau parce que c'est de la glace. C'est de l'eau. Alors, la volonté, elle est astrale lorsqu'elle s'appuie sur des expressions voilées. Non plus. La volonté qui s'appuie sur des expressions voilées, c'est la volonté qui s'appuie sur des expressions typiques d'elle-même. Ils sont pas voilés. La personne qui pleure pour rien, elle n'exprime pas une volonté voilée. Elle exprime dans son intégralité une volonté. Une volonté de type psychologique, mais une volonté pure. Le problème, ce n'est pas tellement avec les volontés que l'on exprime. Le problème, c'est de quelle façon sont exprimées les volontés. Alors, la volonté n'est jamais fausse. La volonté, elle est ce qu'elle est. Il y a des volontés physiques, des volontés vitales, des volontés astrales ou psychologiques. Ce ne sont pas des volontés voilées. La volonté ne peut pas être touchée. Une volonté, ça ne peut pas être transformé. Ça ne peut que s'exprimer ou ne pas s'exprimer. Et quand elle ne s'exprime pas, c'est que dans l'endroit où elle devrait s'exprimer, elle n'y est pas. Vous ne pouvez pas exprimer une volonté supramentale si à l'intérieur de vous, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas exprimer une volonté mentale si à l'intérieur de vous, il n'y en a pas. Vous allez exprimer une volonté psychologique si à l'intérieur de vous, il y en a une. L'énergie de la volonté astrale involontaire peut s'exprimer selon bien des manières par l'intermédiaire de l'homme. Et elle va s'exprimer, elle n'est pas voilée, elle va s'exprimer. Ce qui est voilé, c'est la compréhension que nous, les hommes, on peut en avoir, nous, de cette volonté et de cette expressivité-là. Alors, ce qui fait que si j'exprime une volonté et que je crois que c'est le mental qui vient d'être exprimé, ce qui a été exprimé, c'est de la volonté peut-être mentale, Mais l'expression même, l'idée que j'en ai moi, je crois que c'est totalement mental. Alors ma perception, elle est colorée par mon astral, par ma psychologie, qui essaie de me faire croire que ce qui vient d'être exprimé est intégralement d'une volonté mentale. Mais la volonté mentale s'est exprimée à sa manière, mais pure. Un petit peu, mais pure. Beaucoup, mais pure. La volonté psychologique s'est exprimée en même temps, un petit peu ou beaucoup, mais pure. Mais la compréhension que nous, on en a de l'expression de ces volontés-là, nous, on pense que c'est de la volonté mentale qui vient d'être exprimée. On pense qu'on est en relié avec Dieu. On pense qu'on n'a plus de problème. On pense que, ben, des choses. Et ces pensées-là sont l'expression, dans le premier plan, de la volonté de la psychologie, qui, elle, comprend mal. Et c'est l'apanage de la volonté de l'astral, alors on l'a vu, d'être involontaire. Involontaire pourquoi? Parce que mélangée. Mélangée pourquoi? Parce qu'elle a accès à tout ce qui existe dans la mémoire, mais à rien de ce qui existe dans le vivant. Donc, si elle n'a rien de ce qui existe dans le vivant, ben, elle ne peut pas faire autrement que dans le vivant être mélangée. Et pour essayer, parce qu'elle a peur, d'expliquer le vivant, elle doit donc se servir de ce qui est en elle, de ses mémoires. Et pour être sûre qu'elle peut bien expliquer comme il faut, pour pas que ça la frustre, elle va s'arranger pour faire croire, pour se faire croire à elle, que ce qui s'exprime, c'est une volonté intelligente, reliée au mental, ou au supramental, ou à des divinités, ou à quoi que ce soit. Là, il y a coloration dans ce qu'elle, la psychologie astrale, elle-même essaie de se faire croire. Mais pas dans l'expressivité. Est-ce que vous êtes capable d'être en panique, mais pas d'être dans une vraie panique? Vous êtes en panique ou vous ne l'êtes pas? Alors lui, il est passé à travers un mur, mais ce n'était pas de la vraie panique, parce que sinon, il serait blessé. On peut décider ça. Fait que c'est une panique colorée. C'est une fausse panique. Il s'est arraché un bras en passant là, pas les deux, c'est une fausse panique. Ça, c'est des concepts que l'on a. La volonté, c'est quoi? Si on a un concept de ce que ça peut être la volonté, à partir d'une expressivité d'une volonté psychologique, on ne peut pas rien comprendre de ce que c'est la volonté, parce qu'on le comprend à partir d'un concept. Le concept, il est mémoriel, et le concept, il a été construit par notre psychologie qui ne comprenait déjà pas. Alors, à partir d'une chose morte, on ne peut pas comprendre l'expressivité dans la vie de la volonté, ni de la psychologie, ni du mental, ni de quoi que ce soit. Alors, la volonté, elle n'est jamais fausse, et la volonté n'est jamais colorée. La perception que nous, on a d'une expression, donc, la volonté de l'astral perçoit mal. Et si cette perception qui est mal, nous la cataloguons comme étant réelle, ben, c'est coloré. Et si nous disons en plus que la volonté, disons, réelle de notre astral, ben, elle s'appelle mentale, ben, notre volonté mentale est totalement colorée. Mais ce n'est pas la volonté mentale, en réalité, c'est la perception que nous, on a de l'expression de la volonté qui est colorée. Vous prenez une décision, est-ce qu'elle est mentale ou bien non, si la décision, elle est astrale. La décision elle-même n'est pas colorée. Mais ce que nous, on pense de d'où elle vient, ça peut être coloré. Je décide de prendre de l'eau, de le mettre dans mon verre d'eau. Il n'y a pas de coloration à l'intérieur de ça. C'est suite à une manipulation d'un contexte intelligent ou d'un contexte inintelligent que j'ai fait une action. Mais l'action n'est pas colorée. La volonté n'est pas colorée. Mais si moi, je pense que c'est parce que je t'ai plugué supramentalement que j'ai versé de l'eau là-dedans, qui pense ça? Ma psychologie astrale pense que la parcelle d'elle-même qui a décidé ça, c'était Dieu. Mais cette compréhension-là, c'est ça la coloration de l'astral. Le mental donne quelque chose, l'astral s'en empare. Et il le transforme pour lui-même, et il l'exprime. Et il s'évertue à penser que c'est le mental qui vient de s'exprimer. Ce qui a été exprimé n'est pas typique du mental, parce qu'il a été transformé par l'astral avant d'être exprimé. Donc, il y a eu coloration de ce qui aurait dû être exprimé, et c'est ce que nous on appelle la coloration du mental par l'astral. Ce n'est que dans le résultat qu'il y a coloration et dans la compréhension. Il n'y a plus coloration à l'instant où vous discernez. Pourquoi? Parce que discernant, vous savez à qui reviennent telles idées et à qui reviennent telles idées. Vous rendez à César ce qui était à César et patati et patata. Bon. Alors là, sachant qu'il n'y a plus de coloration. Mais la coloration du mental par l'astral, ce n'est pas une coloration comme si je prenais une eau rouge et que je laissais couler dedans cette eau-là. C'est que je prends une eau transparente et une eau rouge. Et je verse l'eau transparente et je verse l'eau rouge. L'eau rouge ici n'est pas colorée, l'eau blanche n'est pas colorée, l'eau rouge n'est pas colorée, mais ce qui sort est coloré. Et cette eau-là, elle est convaincue que c'est elle-même totalement et intégralement qui vient de verser ce qui vient d'être versé. En réalité, il y a eu de l'eau blanche qui a rosé un peu l'eau rouge. Mais le vocal d'eau rouge, votre psychologie, se dit convaincu que l'eau rose qui vient d'être coulée, c'était l'énergie du mental pur. Et on peut lui faire confiance. C'est rouge, donc ça fit avec ça. Elle est colorée. Lui, il sait. Il est totalement transparent. Il sait très bien que l'eau rouge qui est coulée, c'est pas lui du tout. Mais lui, ici, sait que l'eau rouge qui est coulée vient du mental, parce que le mental en a coulé, en a laissé couler un petit peu. Mais lui, il l'a teinté à la sortie. Et il s'évertue à penser que c'est juste le mental qui vient de s'exprimer. Et vu que c'était rose, rouge, ben que ça, c'est tout rouge, ben ça fit avec. Donc, votre psychologie est rassurée parce qu'elle a raison. Et elle s'efforce de colorer ce que le mental fait pour se rassurer. Mais en réalité, il n'y a pas de coloration ni au niveau du mental, ni dans quoi que ce soit. Mais il va venir un temps où le mental va cesser de couler quand l'astral va verser. Quand l'astral va cesser de verser, là, il va couler. Ça, c'est le début de la manipulation du mental sur l'astral. Il va refuser la teinture parce qu'il va discerner quand il y a teinture. Mais lui, il n'est jamais teint. Votre mental reste pur, aussi faible soit-il. Mais c'est dans le travail entre l'astral et le mental qu'il y a coloration. Et il va venir un temps où ce que lui va être suffisamment puissant pour pouvoir décider quand l'autre verse son eau rouge ou quand l'autre ne le verse pas. Alors là, vous allez exprimer la volonté du mental, la volonté de l'astral, pas une volonté de l'astral qui colore tout ce que les autres formes d'énergie tendent à émettre. Quand on explique que l'énergie supramentale qui descend dans l'homme et qui se fait saisir par l'astral, après ça, vous l'exprimez, mais c'est ce qui arrive. L'énergie supramentale descend et elle passe, puis en fait, l'astral lui verse son eau rouge dessus. Alors, qu'est-ce qui est émis? C'est plus supramental, c'est teinté, c'est coloré. Et sortant de ce couloir-là, lui, il l'empare, il s'en empare, et puis il l'emploie, et il est bien convaincu qu'il a été éliminé. Éliminé par lui-même. Alors, il n'y a pas de mensonge au niveau des choses qui sont vibratoires pures. Au niveau de l'expressivité, il y a une teinture seulement dans la coloration. C'est-à-dire dans la compréhension, plutôt, de ce que votre psychologie colorée va faire. Alors, elle devient réelle lorsqu'elle devient dans la vibration de l'homme créatif. La créativité, ce non plus l'homme, ne connaît pas du tout les fonctions même ou les mécanismes même qui régissent cette énergie intentionnelle. L'énergie créatrice, en termes plus ésotériques ou plus avancés, elle porte le nom d'énergie intentionnelle. L'énergie intentionnelle, c'est une énergie qui a une intention. L'énergie qui a une intention, c'est de l'énergie qui n'est pas régie par aucune forme de manipulation, mais qui manipule. L'énergie intentionnelle, réellement exprimée par un être humain, ne pourra être exprimée que par l'être humain qui aura des affinités vibratoires similaires, donc qui vivra dans un contexte humain similaire, c'est-à-dire un homme qui ne sera plus manipulé par les intelligences inférieures, un homme qui sera lui aussi volontaire, c'est-à-dire un homme qui voudra, donc un homme qui sera intentionnel. Et l'homme qui sera intentionnel n'aura pas d'intention dans le sens de la psychologie qui le régit présentement. L'homme qui sera intentionnel n'aura que des intentions intelligentes parce qu'il verra leur cheminement et leur aboutissement. Donc, il sera conséquentiel en plus d'être intentionnel. L'énergie créatrice, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas faire une peinture. L'énergie créatrice peut s'exprimer à travers un individu qui fait une peinture. Mais le gros de son expressivité sera celle de sa psychologie astrale, ou de la psychologie astrale de l'extérieur. L'énergie créatrice, présentement, aucun individu ne la possède et ne la canalise réellement. L'énergie intentionnelle va s'allier un jour à l'individu qui sera conséquentiel, et cet individu-là aura donc le pouvoir de créer. Le pouvoir de créer, cela veut dire de prendre dans un endroit non matériel des formes d'énergie pour les transposer dans un endroit matériel. Cela ne veut pas dire de prendre une roche, de la sculpter. Cela ne veut pas dire de prendre des pinceaux pour en faire une peinture. Cela ne veut pas dire de s'habiller ou de créer du linge. C'est une forme d'expressivité de l'énergie intentionnelle exprimée par l'énergie involontaire. Vous n'avez pas le choix. Le peintre, il est peintre. Il ne pense qu'à peindre et il ne peut rien faire d'autre que peindre. Alors, il est assujetti à l'énergie involontaire. Et il ne peut pas parler de création ou d'énergie créative. L'énergie intentionnelle a des intentions. Elle est donc régie par le plan. Le plan, c'est-à-dire par la loi qui oblige une certaine forme de vibration à être conséquentielle, donc à connaître les conséquences, ce qui fait qu'elle peut être intentionnelle. L'énergie créatrice ne crée pas selon le plaisir d'une psychologie involontaire et qui regrette toujours par après ce qu'elle a créé. L'homme n'est pas un créateur. Pourquoi l'homme n'est-il pas un créateur? Parce que l'homme n'est régi que par l'énergie involontaire. Donc, l'homme n'exprime que des phénomènes qui ne sont pas de lui. Vous créez une peinture d'une chose qui vous a frappé quand vous étiez jeune. Où est la créativité? L'expressivité, mais pas la créativité, pas dans le sens ésotérique du terme. Alors, le fait de mélanger le mot « être créatif » ou « être créateur » tel qu'on l'emploie dans l'éducation ou dans certaines autres formes de communication ou d'enseignement, avec l'enseignement ésotérique, c'est de faire une grosse bévue. Être créatif ou créateur, en ésotérisme, c'est d'être capable d'être relié à l'énergie intentionnelle, donc à l'énergie créatrice, mais on ne peut être relié à l'énergie intentionnelle que si on est conséquentiel. Vous ne pourrez jamais avoir la possibilité de travailler avec l'énergie créatrice de créer, disons, à partir de rien, si vous ne savez même pas quelles vont être les conséquences de vos créations. Alors, l'énergie créatrice, la volonté ne devient pas réelle lorsqu'elle est dans la vibration de l'homme créatif. C'est-à-dire, la volonté est toujours réelle, elle est exprimée en réalité et en totalité. Elle est perçue par une forme de volonté qui s'exprime et qui est inadéquate dans sa perception. Donc, elle est colorée dans sa perception. L'homme est coloré de par sa perception parce que l'homme perçoit autant les événements vivants de l'extérieur que les événements morts de l'intérieur, de ses mémoires. Comme tout à l'heure, je vous disais, l'homme veut expliquer son présent à partir de son passé. Et c'est la coloration. Coloration de la compréhension, coloration donc de sa conscience. L'énergie intentionnelle, c'est une énergie qui est conséquentielle et qui, par conséquent, vu qu'elle connaît les résultats de ses actes, ne va se relier qu'à un individu qui pourra exprimer une volonté volontaire, donc un individu qui sera rendu à l'étape de la troisième forme d'expressivité de la volonté mentale. Un individu en relation directe avec le plan supramental. Il sera donc intentionnel. Cette énergie-là, elle se promène sur la Terre, mais elle crée les événements. Elle oblige les individus à l'exprimer. Et les individus qui l'expriment n'expriment pas l'énergie intentionnelle. Ils n'expriment que l'énergie de la volonté volontaire de l'astral. Et ils n'expriment pas l'énergie créatrice. Autant créateur soit-il. Peux-tu parler des hésitations? Oui, je vois que tu hésites. L'hésitation, c'est simplement une coloration d'une expression de la volonté psychologique sur les formes d'expressivité de toutes les volontés. Alors, j'hésite parce que je ne suis pas sûr. Si je ne suis pas sûr, c'est que j'exprime la volonté de l'astral et je l'exprime à l'intérieur de moi. Je peux aussi l'exprimer par l'oral, donc communiquer mon incertitude Et je peux exprimer cette volonté-là aussi dans l'action, réellement être incertain, hésiter et ne rien faire. Les formes d'expressivité de votre psychologie. Tout à l'heure, au début, donc il y a deux heures et demie de cela, lorsqu'on a parlé justement des formes d'expressivité, ou encore des formes de volonté astrale qui ont tendance à vouloir s'exprimer et qui n'ont pas de contexte adéquat pour, devraient être modifiées. Le contexte d'hésitation peut être modifié seulement si l'individu arrive à pouvoir travailler suffisamment avec son corps mental dans l'état où il est présentement pour pouvoir amener des éléments nouveaux, amener de l'information ou rechercher de l'information pour avoir une idée de la conséquence de ses actes. Si l'individu fait cela, l'individu hésite, mais il hésite d'une façon intelligente. Souvent, on a l'impression que la première idée que l'on a eue, c'est celle-là qu'on aurait dû faire. Pensons bien que la première idée que l'on a eue est celle qui a le plus de possibilités d'être la bonne. Elle peut être la pas bonne, la fausse, la mauvaise. Votre psychologie astrale est celle qui présentement manipule les individus, donc c'est celle qui vous manipule. Quand un événement se présente à vous, la première idée qui vient est sans doute une réaction de la volonté de l'astral à réagir à l'événement. Mais si vous l'appliquez immédiatement, vous avez plus de chances de voir cette idée efficace que si vous attendez ou si vous y réfléchissez un petit peu. Si vous y réfléchissez un petit peu et que ce n'est pas votre contexte mental intégral qui réfléchit, donc l'événement aura le temps d'être mémorisé par une psychologie, il sera analysé par une psychologie de plus en plus morte, donc de plus en plus mémorielle, et le résultat de cette mémorisation que l'homme peut appeler réflexion sera de moins en moins adéquat avec l'événement vivant. C'est pourquoi que plus souvent qu'autrement, la première idée était la bonne. L'individu qui est mental et qui est capable de raisonner, le raisonnement mental ne se fait pas en dedans d'une heure ou de 15 minutes, il se fait dans l'instantanéité. L'individu qui est mental, instantanément, va savoir si la première idée qu'il a eue, elle est la bonne, si elle est suffisamment bonne, donc ça ne nécessite pas de brûler d'autres énergies pour vérifier, ou encore il la transformera et amènera l'idée qui est juste. L'individu incertain, c'est un individu qui ne remet pas entre les mains de son mental la prise de décision. Donc, il reste incertain parce que c'est sa psychologie astrale qui raisonne, qui réfléchit, et plus il raisonne, plus il peut être incertain. Pourquoi? Parce que plus il raisonne, plus il mélange l'événement vivant avec son continuum de mémoire passée. Donc, plus il devient sécur, parce que plus ou encore moins il devient apte à régler ou à raisonner son problème. Si l'individu est mental, il n'aura pas à se poser de questions. Instantanément, il aura la réponse et il saura quelle est la meilleure ou du moins ce que lui peut présentement exprimer, ben, c'est ce qui est le mieux. Alors, il le fera. Et jamais il n'aura de culpabilité. Alors, disons bien que si on regarde l'hésitation, c'est simplement une expressivité de la volonté de la psychologie, volonté qui tend trop à vouloir se sécuriser. Alors, on exprime la sécurité, on fait la volonté de l'astral et, évidemment, on refuse la volonté du mental. Alors, automatiquement, il y a hésitation. Il faut bien comprendre que la volonté, ce n'est pas quelque chose qui vous amène à construire et à créer. La volonté, c'est quelque chose simplement qui est l'expression d'une énergie, quelle que soit la foutue énergie. Et il y a expression d'énergie lorsqu'il y a présence de cette énergie-là. Et il y a volonté lorsqu'il y a présence d'une présence d'énergie. Vous avez peur, vous avez de la volonté. Vous êtes paresseux, vous avez de la volonté. Vous êtes faible psychologiquement, vous avez de la volonté. Vous êtes fort, vous êtes courageux, vous avez de la volonté. Et plus vous êtes paresseux, plus vous êtes peureux, plus vous êtes courageux, plus vous exprimez dans le phénomène de l'action la volonté qui vous habite. Alors, avoir de la volonté, ce n'est pas être travaillant. Alors, je l'ai dit, je le répète. très important de comprendre que la volonté, ce n'est que l'expression d'une énergie. On n'a pas à travailler sur la volonté, on n'a à travailler que sur l'énergie. Plus on augmente le rythme vibratoire des énergies qui nous habitent, plus on change, disons, de forme de volonté. Donc, on augmente le rythme vibratoire de la volonté qui nous habite et on arrive à exprimer une volonté de plus en plus efficace, de plus en plus rapprochée du mental ou reliée au mental, de plus en plus rapprochée au supramental ou reliée au supramental. La volonté, c'est l'expression d'une énergie. Vous avez faim, vous exprimez une volonté. Vous en parlez, vous exprimez une volonté dans le deuxième plan. Vous le communiquez, votre estomac gargouille, vous l'exprimez dans le deuxième plan. Vous mangez, vous l'exprimez dans le troisième plan. Volonté du physique. En plus, ça vous tente de manger, en plus vous avez faim, volonté psychologique dans le premier plan. Vous vous mettez en démarche, volonté psychologique dans le deuxième plan. Vous en parlez, volonté psychologique dans le deuxième plan. Vous mangez et vous vous êtes rassasié, vous aimez ça, vous tripez bien dur, volonté exprimée dans l'action. Il y a toujours volonté. On augmente notre schéma vibratoire, on transforme donc le schéma de ce qui nous habite, on transforme donc le schéma de nos propres volontés. Ce qui fait que plus on augmente notre volonté vibratoire ou notre vibration vibratoire de notre volonté, plus on arrive à exprimer une volonté qui est haute et qui se rapproche de la volonté volontaire. Ici, j'ai plusieurs questions par rapport aux événements. Il y en a plusieurs qui demandent, dans un certain cadre d'événements, des choses, d'après tes idées, d'après des conférences qu'ils entendent, leurs idées, leurs pensées changent. Ils veulent savoir si c'est mieux d'attendre que le cadre de l'événement change, d'aider à changer ce cadre-là ou laisser le cadre comme il est là. Bon. La manipulation de l'astral planétaire, de l'astral social, de l'astral dans une salle de conférence a toujours tendance à vouloir freiner l'individu pour que l'individu se remette à travailler, non pas dans le vivant, mais dans le passé, donc force l'individu à la réflexion. Pour se sortir de ce marasme, il n'y a en fait qu'une solution, celle d'appliquer l'énergie mentale à la réflexion pour arriver à une solution. Quel que soit ce que l'orateur va dire, l'auditeur doit toujours filtrer tout ce qu'il perçoit avec son corps mental, donc avec son énergie mentale. Il faut bien comprendre que tout ce que je dis n'est pas tout ce que vous comprenez. Parce qu'il y a, et il y a immensément en vous, la coloration de votre psychologie, ce que nous appelons l'interprétation. Ce que je dis n'est pas ce que vous comprenez, non pas dans son intégralité. Alors automatiquement, il y a coloration. Et en plus de ça, il peut aussi y avoir, comme tu viens de l'énoncer, transformation au niveau de vos propres idées. Ce qui fait que ce que vous aviez l'intention de faire, ben vous ne le savez plus si vous allez le faire ou non. Et vice-versa. Si vous avez suffisamment de discernement en vous, et le discernement, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, ça va venir. Vous laissez votre corps mental analyser les pour et les contre d'un événement. La seule leçon bonne à tirer d'un phénomène comme celui-là, serait le fait que vous prenez des décisions qui sont d'ordre psychologique et à l'instant même où on vous amène d'autres points, vous ne savez plus. Donc, la décision n'a véritablement pas été prise par le corps mental qui, lui, aurait cherché à avoir toutes les données nécessaires avant de prendre une décision parce qu'il se rapproche de l'état conséquentiel. Alors, automatiquement, si le fait d'entendre parler, de lire, d'écouter ou quoi que ce soit, amène chez vous une transformation d'une idée ou encore d'une décision, c'est que votre décision avait été prise par votre psychologie inadéquate et elle n'a jamais pu se rendre compte, cette psychologie-là, qu'il lui manquait des données, données que vous venez de ramasser soit en écoutant un auditeur, soit en lisant. Alors si Juste le fait de m'écouter ou d'écouter un auditeur ou de lire transforme une décision, c'est préférable d'attendre. Parce que vous êtes manipulé, toujours par vous allez exprimer simplement l'énergie involontaire de votre psychologie inadéquate qui n'a pas su arriver à saisir toutes les données pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir arriver à l'accomplissement d'un événement, en connaissant les conséquences de l'aboutissement de cet événement-là. Donc, patientez quand vous avez une transformation de décision suite à quoi que ce soit. C'est simplement la preuve que vous manquez de données et que vous réfléchissez trop psychologiquement et non pas suffisamment mentalement. Et ça, c'est important à voir. C'est la seule chose que cela désigne. Tant que tu ne peux pas arriver à voir et à cerner, à être prescient, donc à être capable de pressentir, de comprendre de par ton corps mental l'aboutissement de tous les événements qui t'entourent, tu ne peux pas faire autrement que d'attendre que ces événements-là aboutissent. La psychologie de l'homme veut transformer un événement parce qu'elle en a peur, mais elle n'en connaît rien. On lutte présentement, combien d'énergies sont placées pour le désarmement quand on ne sait même pas si on va la faire, la guerre ou pas. Alors, ne connaissant pas les conséquences des événements qui se passent, la psychologie va faire démarcher l'homme pour lutter contre une probabilité d'accomplissement d'événements sans savoir si sa démarche n'entraînera pas l'accomplissement de l'événement contre lequel il lutte. Alors, l'individu ne connaît pas, ne comprend pas et ne peut pas comprendre les aboutissements des événements. Donc, il ne devrait pas lutter contre quoi que ce soit. Si vous comprenez l'aboutissement d'un événement dans votre vie, vous pouvez le transformer. Dans votre famille, vous pouvez le transformer. Dans votre société, vous pouvez le transformer. Sur la planète Terre, vous pouvez le transformer. Mais qu'en est-il de ces compréhensions-là chez vous? Jusqu'où voyez-vous la conséquence de toutes vos actions et de tous vos dires? Vous n'avez qu'à dire quelques mots pour enclencher une dispute. Aviez-vous vu la conséquence de vos mots? Vous êtes entraîné par la dispute. Voyez-vous la conséquence de ce que vous faites? Alors, avant de se lancer dans un désarmement, donc dans le règlement des conséquences des événements mondiaux, quand on n'est même pas suffisamment fin pour arriver à régler les propres conséquences de nos actes, alors évidemment, je pense qu'il y a déjà un problème et ce n'est qu'une expressivité d'ordre psychologique. L'homme, présentement, n'est pas apte, il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre, et il ne peut faire qu'attendre que les événements se présentent. L'événement se présentant, il sera, s'il a suffisamment d'énergie mentale, donc de volonté mentale à exprimer, il sera en apte à traverser les événements qui se présenteront, de façon à ce que lui n'en subisse pas les effets. Il ne pourra, par contre, pas les transformer. Il pourra les transformer que plus tard, quand il sera devenu conséquentiel. Présentement, l'homme ne peut pas transformer l'événement, l'homme ne peut que l'attendre. Or, évidemment, de temps en temps, l'individu peut entrevoir une possibilité. Mais il n'est jamais sûr de la possibilité. C'est d'ailleurs pourquoi les oracles font bonne figure et font toujours autant d'argent. L'individu se doit d'attendre l'événement, mais l'individu se doit aussi d'essayer, de par son mental, d'avoir une idée des effets de l'événement, d'avoir une idée des conséquences de l'événement et d'avoir une idée des conséquences de son mouvement par rapport aux conséquences qu'il entrevoit d'un événement. Et c'est ce qui n'est pas fait présentement chez ceux qui militent contre différentes choses. Ils ne voient pas les conséquences de leur mouvement par rapport à ce qu'ils entrevoient comme conséquences. Vous faites la grève parce que, comme conséquence, vous voyez que vous ne pouvez pas garder votre pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez une idée des conséquences, des effets de votre grève dans tout le contexte social? Une chose à la fois. Ben, c'est ça. Vous ne pouvez pas le voir. C'est trop demander d'énergie pour votre contexte mental. alors on peut spéculer, donner une raison pour se faire taire. Et si par après il y a faillite, c'est pas de votre faute, si par après il y a n'importe quoi, ça dérange pas. L'homme n'est pas conséquent de rien, et le mieux qu'il puisse faire présentement au niveau de ses propres événements, c'est être conséquent, voir la conséquence de ce qui peut arriver si son émotivité psychologique, si ses désirs ne sont pas assouvis. Il peut en avoir une conséquence, il peut voir la conséquence de tout ça. Ce qui va entraîner chez lui la peur et les démarches pour essayer de certifier le fait qu'il n'aura pas à souffrir. Parce que la seule conséquence que l'homme peut voir d'un événement, c'est la souffrance qu'elle peut lui amener ou le plaisir qu'elle peut lui amener. Les événements extérieurs réels, l'homme n'en entrevoit absolument pas. Alors l'homme ne peut faire qu'attendre ces événements-là. Ce serait stupide d'essayer de les transformer dans l'état où l'homme est rendu présentement. L'homme qui sera conséquentiel pourra transformer les événements. Avant ça, l'homme ne peut qu'attendre les événements et s'arranger pour que l'événement ne laisse pas de traces en lui. Et cela sera permis par l'expressivité de la deuxième phase de l'énergie mentale, celle, disons, théoscientifique, où l'homme sera capable de s'arranger pour qu'aucune trace des événements extérieurs ne puisse se graver dans sa mémoire ou encore dans sa psychologie expressive de sa mémoire. Alors, il se passera n'importe quoi, l'homme, ça ne le touchera pas. L'homme passera à l'autre étape s'il n'est pas écrasé par la descente d'énergie supramentale captée par l'énergie astrale. L'homme passera à l'étape où ça ne le touchera pas, mais où il verra les conséquences de ce qui se passe. Et alors là seulement, l'homme se mettra en démarche, non pas parce que ça le touche, vu que ça ne le touche pas, mais parce qu'il voit les conséquences du plan d'évolution et les conséquences de ce qui se passe présentement, et cet homme-là sera un être du Verseau, un homme conséquentiel, un homme debout, un réel homme. Les autres on en a parlé à la conférence, les états de choc, les autres qui seront, disons, abasourdis par la descente d'énergie supramentale et qui resteront dans l'état stagnant du non-touché, c'est-à-dire que plus rien ne leur fera quoi que ce soit, et qui ne verront pas les conséquences de leur démarche, seront les martyrs du supramental et seront le dernier front d'involution sur la planète Terre. Sur ce point de vue, tu parles de temps en temps que la diplomatie, okay, c'est pas bon. Mais l'homme. J'en parle de conséquent de temps en temps. Mais tout le temps, c'est pas bon. OK, tout le temps, là, mais je veux dire. C'est que l'homme conséquent en tant que tel, s'il connaît toutes les conséquences possibles de ses actes, il devient diplomate. Non. Quand je parle de diplomatie qui n'est pas bonne, je parle évidemment de la diplomatie électorale. Donc, ce qui amène la masse ignorante à avoir raison sur la minorité possédant la connaissance. Ce qui amène la diplomatie aussi entre le réel et l'illusion. Ce qui amène l'individu à faire des concessions en ce qui concerne ce qui est bon et mauvais par rapport à sa propre prise de conscience de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Quand l'individu arrive à être dictatorial, donc à ne pas être diplomate par rapport à ce qu'il lui perçoit de la réalité et de l'illusion, il sera apte à manipuler l'extérieur, et tu pourras appeler ça de la diplomatie, c'est-à-dire qu'extérieurement parlant, il jouera avec les contextes psychologiques de la masse. Donc, il pourra leur faire à croire que telle chose est bonne, malgré qu'au fond de lui, il sait qu'elle est fausse. Mais il a l'idée même, il a la vision de la conséquence de sa diplomatie, mais il n'y a pas de diplomatie entre sa propre perception de la réalité et de l'illusion. Et là, il n'y a pas de diplomatie. Le fait de ne pas accepter de diplomatie dans la perception de la réalité et de l'illusion qui t'appartient, cela ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu rencontres un disciple de Krishna, qu'il faut que tu l'assommes. Lui a sa propre réalité, sa propre illusion. Mais si lui veut te convaincre, il veut te parler, passe dans le casque. Ou va-t'en. Mais il n'est pas question d'accepter de diplomatie. Il n'est pas question d'accepter, quand tu découvres que telle nourriture est malsaine pour toi, offre d'en manger et de te dire que mais j'en mange moins, fait que c'est quand même mieux. Il n'y a pas de mieux. C'est toxique ou ce ne l'est pas. Que les autres en mangent, c'est de leurs affaires. Alors, tu restes diplomate par rapport à la relation avec l'extérieur si la relation avec l'extérieur ne t'oblige pas à devenir diplomate avec l'intérieur. Si on t'oblige à être diplomate avec tes propres visions de la réalité de l'illusion, là tu sors le glaive puis tu frappes. Bon, l'autre diplomatie qui est une forme d'expressivité des forces magnifiques sur la planète Terre, des forces de Shambhala, entre autres, et de l'Agartha, sont justement la diplomatie électorale, qui amène à dire que telle chose c'est bon, qu'en pensez-vous? Tout le monde est contre, personne ne peut comprendre, ça compte ça pas. Alors, on ne peut pas évoluer, les masses ne peuvent pas s'en sortir. On vote pour un armement ou pour un désarmement. Qui comprend la conséquence de tout ça? Personne, mais on vote. Alors, la conséquence, donc, qui va aboutir au niveau de cet acte-là, c'est une conséquence inconséquente, donc réellement l'expressivité d'une volonté involontaire. Alors, là seulement, l'homme devrait rester dictateur par rapport à ce qu'il y a en lui entre la perception de la réalité et de l'illusion. Et si on parle d'un gouvernement adéquat, c'est un gouvernement possédant l'intelligence supramentale qui est absolument dictateur. Ça va de soi. Parce qu'il n'est pas question de demander à la population ou à ceux qui ne comprennent pas de procéder à un vote pour savoir si on instaure quelque chose de bon ou non. On se passe un vote pour voter la peine de mort. On ne fera pas voter ceux qu'on va tuer. Alors, si tu regardes simplement ces phénomènes-là, c'est absolument niaiseux et complètement idiot. Alors, la diplomatie, c'est pour ça que c'est une chose absolument conne. OK, là, tu es revenu aux forces intérieures. J'ai une question ici à propos de ce que tu as parlé vendredi. OK, des intraterrestres. Et qu'en est-il de ceux qui vivent dans les sous-sols de l'Amazon ou dans les cordillères des Andes, Maurice? Bon, premièrement, les intraterrestres, les êtres qui vivent sous la Terre, ceux qu'on connaît le plus, évidemment, c'est ceux qui vivraient au niveau de Shambhala ou de l'Agartha. En Amazonie, il existe effectivement des êtres qui sont le relégat de la race atlantéenne. Ce sont des géants. Ils sont, disons, belzébutiens en termes d'énergie. Ils sont maléfiques pour l'être humain présent. D'ailleurs, ils en ont tué plus qu'un. Ces êtres-là ne sont simplement que le relégat de forces évolutionnaires, mais forces évolutionnaires abandonnées lors du dernier cataclysme atlantéen, qui se sont retirées à l'intérieur de l'Amazonie, entre autres, surtout. On en a quelques relégats au niveau des cordillères des Andes. Une des forces intraterrestres qui a vécu longtemps dans l'Himalaya, qui a vécu et qui vit encore au Canada, et qui vit dans certains pays, disons, je ne veux pas trop en parler pour l'instant, parce que ça a déjà été de toute façon discuté, ça va être les intraterrestres qui sont connus et qui ont subi, une évolution, disons, terrible par rapport à la race qui a dominé sur la Terre, et ce sont les Yétis, ce sont les Migous, les abominables hommes des neiges, les Sasquatch. Appelez-les comme vous voulez, dépendant des régions. Au niveau de l'Amazonie, il y a effectivement des relégats atlantéens qui ont été les prêtres et qui ont été les bâtisseurs de toutes les religions, la religion sociale de l'Empire Maya, de l'Empire Aztèque, de l'Empire Inca, et qui ont fait partie d'une immense société secrète qui a aidé à la destruction par la guerre et par les sacrifices de tous ces empires-là. Quand les Espagnols, donc quand la race blanche est arrivée, ces contingents rouges, donc ces dieux rouges-là, ont fui. Parce que depuis longtemps, ils savaient, de par leur connaissance, que suite à eux, l'homme évolutif, l'homme évolutionnaire qui suivrait la race atlantéenne rouge, serait la race blanche. Donc, ils avaient déjà ancré chez le peuple aztèque et le peuple inca le fait que les dieux seraient blancs. Mais les dieux blancs ne devaient apparaître que dans un contexte temporel beaucoup plus loin. Effectivement, la race intraterrestre qui vit présentement et qui a dominé le continent américain à cette époque-là est morte. Elle est morte bien avant l'apparition de la race divine blanche, les Espagnols, ceux qui ont massacré les Incas. Bon. Alors, cette race divine n'était attendue que dans quelques centaines d'années, alors ce qui fait qu'on a pu donner à la population l'idée que la race serait blanche, qui était vrai. Les intraterrestres, à l'arrivée de la race blanche, ont dû fuir, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas intraterrestres à l'époque. Par contre, ils se sont cachés à l'intérieur d'immenses souterrains, d'immenses conduits, donc dans des sociétés, dans des villes souterraines. Et présentement, en Amazonie, ils se cachent et ils essaient de temps en temps de diriger par l'intermédiaire de l'astral l'évolution des populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Population qui reste reliée à l'égrégore guerrier, à l'égrégore inconséquent, à l'égrégore réellement animal des populations Inca. Si on regarde simplement la race Inca qui un jour a été presque exterminée parce qu'il y a eu trop de sacrifices humains, le sang coulait continuellement 24 heures sur 24 sur les dalles de tous les temples Inca dans toute l'Amérique centrale, dans toute l'Amérique du Sud. Tout ça parce que la race rouge intraterrestre s'était forcée d'éliminer ceux qui vivaient à la surface de la Terre pour pouvoir revenir à la surface de la Terre et prendre possession de ce qui, selon eux, leur revenait. Leurs enfants ont été mélangés par, évidemment, les phénomènes de réincarnation évolutif, ce qui fait que la race intraterrestre, la race de G1 qui vit en Amazonie, s'est vue disparaître sur la surface de la planète Terre et, par l'intermédiaire d'une religion absurde, cette race-là a tenté d'éliminer la race humaine. On a d'autres formes de races intraterrestres qui sont évolutionnaires. Les gargouilles, entre autres, en sont une forme. Et on a différentes expressivités de races évolutionnaires de différents continents qui ont tenté et qui tentent de temps en temps d'exterminer la race terrestre pour pouvoir revenir à la lumière, à la surface de la planète Terre, pour pouvoir reprendre les rênes et les directions mêmes de la planète. Alors, ce qui fait que dans les races dangereuses, on a évidemment les gargouilles, on a la race intraterrestre qui vit en Amazonie et ailleurs qu'en Amazonie. Elle vit au Guatemala, elle vit dans la cordillère des Andes, elle vit au Pérou, elle vit en Bolivie, près du lac Titicaca, elle vit près des terres de feu, donc à la fine pointe du Chili. Alors, ce qui fait que ces races-là sont des races dangereuses, mais qui sont suffisamment faibles en nombre et qui, de toute façon, vont finir par être exterminées, en ce sens qu'elles vont devoir se réincarner dans des entités plus évoluées, leur permettant d'accéder à une connaissance supérieure. Alors voilà, disons, pour la race intraterrestre qui vit en Amazonie. Qu'est-ce que tu appelles la descente aux enfers? Peux-tu expliquer, Maurice? La descente aux enfers, c'est simplement une descente dans un plan inférieur vibratoire. Donc, dans un endroit où l'homme est assujetti, où l'homme peut être soumis à des tentations, où l'homme peut perdre son état présent de vibration pour aller chercher un état vibratoire plus inférieur. Alors, la descente aux enfers, c'est donc une initiation. Oui. En ce sens que c'est une initiation par le fait que l'individu devrait normalement être purifié et voir son taux vibratoire augmenter. Mais c'est plus souvent qu'autrement un calvaire qu'une initiation. La descente aux enfers, c'est lorsque l'individu est rendu à un point d'évolution superbe, suffisamment élevé, mais qu'à l'intérieur de lui, il reste des relégats de parcelles évoluées. Pour leur régler leur cas, il devra les rencontrer face à face, donc il devra retourner, sa conscience devra accepter le fait de baigner totalement dans ses énergies inférieures pour les obliger à augmenter leur taux vibratoire pour être, disons, parfait par l'énergie de la conscience évoluée de l'homme qui redescend aux enfers. Le gros danger à l'intérieur de ce phénomène de descente aux enfers, c'est que l'individu, la conscience de l'individu qui redescend dans ce taux vibratoire-là suffisamment bas, peut être digéré et assimilé par l'enfer. Donc, il est perdu, il redevient infernal, il repart à zéro, ou du moins il repart au niveau où il est redescendu. Alors, le retour aux enfers, c'est une chose qui est initiatique. Le Nazaréen l'a vécu, Lazare l'a vécu, d'autres l'ont vécu, et c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire et pas essentiel. C'est l'apanage d'un individu qui avance tout croche, trop vite, sans rien comprendre. Et l'individu qui avance tout croche, trop vite, sans rien comprendre, ne pourra pas accéder à l'énergie supramentale consciente, donc à la conscience absolue, s'il n'a pas fait son retour aux enfers. Présentement, l'homme où il est risque de faire un retour aux enfers de masse par l'intermédiaire d'une guerre nucléaire et de conflits planétaires, donc d'apocalypse, qui le forcera, lui, à faire un retour aux enfers pour parfaire le reste. Purification par le feu. Cela n'est pas nécessaire, cela n'est pas essentiel, et l'individu devrait s'arranger. L'individu, on se fout de la masse, devrait s'arranger pour pouvoir travailler intelligemment selon un rythme correct. Pas sauter d'étape pour ne pas avoir à revenir aux enfers. Alors, vous comprenez ce que vous comprenez. Mais est-ce que vous êtes capable d'arriver à pouvoir vous dévêtir et vous promener tout nu n'importe où? Non. Alors, votre évolution, elle a des trous. Elle a des points noirs dans votre évolution psychologique, dans votre évolution physique aussi, par la maladie, dans bien des sortes de phénomènes d'expressivité de l'évolution. Alors, un jour, vous devrez passer en la vie. Les événements, vu que vous n'êtes pas prêt, vont pouvoir vous manipuler. Donc, les événements vont vous faire passer à travers ces écoles-là où vous devrez faire un retour aux enfers. Sauf si vous avancez correctement, échelle par échelle, en prenant conscience de ce que vous faites, donc vous éliminez la possibilité du retour aux enfers qui risque de vous perturber amplement suffisamment. Des individus viennent me voir et sont convaincus d'avoir compris certaines choses. Après que je leur ai parlé, ils ne reviennent plus jamais. Ils sont en train de vivre un retour aux enfers. Et mon idée n'est pas de me ramasser un public. Alors, je me fous bien qu'ils savent faire un retour aux enfers. Alors, le retour aux enfers, c'est simplement la possibilité et le risque que l'on a de perdre toute sa hauteur de vibration parce qu'on est obligé de rebaigner dans une vibration basse. Ce que le Nazaréen a fait dans le désert et ce que le Nazaréen a fait aussi à sa mort. À sa mort, il faut s'entendre, mais sur la croix. Le Nazaréen n'aurait pas passé par l'étape de la croix s'il aurait été suffisamment évolué en intégralité, ayant des parcelles de lui qui n'étaient pas suffisamment subtiles, donc suffisamment évoluées, le Nazaréen a presque été soumis à la mort physique réelle et authentique. Il a presque tout perdu. Mais il a pu, par la descente aux enfers, restabiliser, spiritualiser, resubtiliser les reliquats de lui-même qui était noir pour arriver à emporter son corps à sa mort et à ne pas mourir. Il a donc désintégré son corps pour prendre un corps, disons, plus lumineux, parce qu'il avait accompli la totalité de sa mission dans le plan planétaire. Mais s'il a été, pendant un certain laps de temps, mort dans son intégralité, ce qui est réel, c'est simplement parce que des parcelles de lui n'étaient pas prêtes. Et ces parcelles-là, il a dû les parfaire par le retour aux enfers. Et cela suffisamment rapidement avant que l'énergie vitale ne quitte le corps, avant que l'énergie astrale ne quitte son corps. Et ça prend quelques jours, de 2 à 3 jours. Et lui, il est réapparu après la 3e journée, mais il avait accompli son travail bien avant. Alors, le retour aux enfers, c'est pas quelque chose de souhaitable et de souhaité pour personne. Travaillons intelligemment, morceau par morceau, pour on n'aura pas à le faire. Le plus grand a failli manquer. Alors. Autrement dit, le retour aux enfers, pour faire une petite comparaison, ça serait... On a déjà de la misère avec nos cauchemars. Descendre plus bas? Oui, ça pourrait être ça. Mais un jour, on risque de retourner plus bas parce que dans le plus bas, on n'a pas réglé ça. Un retour aux enfers, éduquez pas vos enfants. La journée qui vient vous taper dessus, c'est un retour aux enfers. Un retour aux enfers, occupez-vous pas de votre santé. La journée, vous devez vous en occuper parce que vous souffrez, c'est un retour aux enfers. Dans le domaine banal, c'est un retour aux enfers. Faites ça intelligemment comme du monde, pas de retour aux enfers. Puis dans la psychologie, dans l'évolution, c'est vachement pire que ça. Pire, il n'y a pas de mot pour le définir. À faire attention. Et les petits hommes noirs d'Amérique, sont-ils évolutionnaires ou non? Pourquoi se rendent-ils visibles à certains? Merci. C'est pour moi par rapport à un petit bonhomme à travers. Bon. Premièrement, il faut bien penser que tout phénomène est évolutionnaire. Mais, dans le contexte de l'individu qui vit certaines choses, lui peut vivre une évolution. Le mal l'injustice se doit d'arriver sur la Terre. C'est une chose, une cause essentielle à l'évolution. Mais malheur par qui le mal et l'injustice vont arriver. Mais elles se doivent d'arriver. Ceux qui vivent un contact avec les petits hommes noirs, disons que... Je peux définir bien des choses par les petits hommes noirs. J'aimerais juste que la personne qui s'appelle Merci me dise exactement de quoi elle veut parler. Parce que je ne veux pas parler de quels petits hommes noirs. Ah, vois-tu, est-ce que tu me parles? Bon. D'accord. Alors, on a des entités qui apparaissent souvent en Amérique et partout dans le monde, surtout partout dans le monde, qui sont des entités intraterrestres ou extraterrestres. Toi, est-ce que tu me définis là comme homme noir ou comme bonhomme noir? C'est une entité de type astral qui est matérialisée par des conditions. De temps en temps, j'ai dit, et c'est passé comme un coup de vent, ça n'a été compris par personne, que l'astral pouvait être balayé par un coup de vent. Dernièrement, on avait sur l'île de Montréal un contexte noir négatif qui recouvrait la ville et un individu qui venait de Saint-Hyacinthe le sentit en pénétrant à Montréal. Quand il est parti, presque toute l'atmosphère était presque disparue. Le vent était un vent d'ouest, donc se dirigeait vers l'est. Et lui, en s'en allant vers Saint-Hyacinthe, un peu avant Saint-Hyacinthe, il est retombé dans le même phénomène. C'est normal, le vent avait soufflé le phénomène en direction de l'est, donc les autres villes vont en bénéficier. Les contextes qui permettent l'apparition extraterrestre, l'apparition intraterrestre de phénomènes astraux, sont des contextes qui sont reliés au climat, qui sont reliés donc à la densité de l'air, à la densité de la chaleur, à la densité des vibrations de l'endroit. C'est réellement climatique. Alors, les astres vont opérer une transformation dans le climat. Il y a plusieurs choses qui vont permettre l'apparition d'entités comme celle-là. Ça pourrait être une sorcière, comme on en voit dans différents phénomènes à l'Halloween. C'est une fête pour les enfants, puis on ressort tout notre contingent de choses diaboliques, mais enfin... tu as différentes apparitions de type astral, fantomatique, égrégorienne, noire, donc maléfique, en ce sens qu'elles vont apparaître parce qu'elles ont un observateur, premièrement, donc toi. Elles vont apparaître parce qu'il y a un contexte psychologique qui le permet, pas nécessairement la peur. Elles vont être entretenues par la peur. Elles vont apparaître parce qu'il y a un contexte, il y a plusieurs événements qui se trouvent réunis à ce moment-là et qui permettent l'apparition d'une forme extraterrestre aberrée ou d'une forme terrestre, astrale ou intraterrestre aberrée. Est-ce qu'ils sont évolutionnaires ou évolutionnaires? Ils sont évolutionnaires par rapport à eux. Évolutionnaires par rapport à un individu qui n'a pas suffisamment de puissance astrale ou de puissance mentale pour ne pas être assujetti à une apparition comme celle-là. Alors, qui elles sont, on s'en fout. Il y a d'autres sortes d'individus, par contre, qui sont lucifériens, qui sont en caractère, disons, maléfique, qui peuvent même prendre une corporalité totale, donc, qui vont être incarnés, et qui vont travailler aux États-Unis, et un peu partout. Elles sont, ces entités-là, le relégat de forces maléfiques, en l'occurrence, du prieuré de Sion. Un jour, on va en parler du prieuré de Sion dans son intégralité. Un jour, on va parler des forces maléfiques de Shambhala et de l'Agartha dans leur intégralité. Un jour, une conférence fermée, cela va de soi. En disant présentement, je ne veux pas trop m'étirer sur ces entités-là, parce que ce n'est pas le temps. Qu'est-ce que c'est le temps? C'est quand la volonté peut s'exprimer dans l'action, et quand la volonté d'une personne qui apprend peut s'exprimer dans l'action, il n'y a pas de risque que sa psychologie déforme tout ce qui sera compris. Alors présentement, la volonté de la psychologie des individus et la volonté de l'énergie mentale des individus ne s'expriment pas complètement dans l'action. Alors parler de certaines choses serait donner la possibilité à l'énergie mentale, à l'énergie astrale, d'acquérir sans pouvoir réellement comprendre, donc être rendu au niveau de l'action, c'est la compréhension, et ça permettrait aux individus de se créer d'autres contingents de mémoire psychologique pour arriver à mieux déformer leur compréhension, donc pour arriver à n'exprimer qu'un simili, qu'une coloration de compréhension d'énergie supramentale en exprimant une énergie astrale involontaire, donc on n'en parle pas. Et je crois qu'on ne parlera plus de rien. C'est ça. On vous remercie pour l'écoute et à la prochaine.